The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Babysitter. La babysitter. To go okay. Aller. Book. Le livre. Game. Le jeu. To play. Jouer à. Hide and seek. Cache-cache. 4 o'clock snack. Le goûter. Homework. Les devoirs. Instead. À la place. To have dinner. Dîner. Fridge. Le frigo. In case. Si jamais. Problem. Le souci. Now, a bit faster. Instead. À la place. Problem. Le souci. Instead. À la place. To have dinner. Dîner. Problem. Le souci. Book. Le livre. Hide and seek. Cache-cache. Babysitter. La babysitter. Homework. Les devoirs. Babysitter. La babysitter. Hide and seek. Cache-cache. Game. Le jeu. Problem. Le souci. Book. Le livre. 4 o'clock snack. Le goûter. Fridge. Le frigo. Game. Le jeu. Fridge. Le frigo. Homework. Les devoirs. Book. Le livre. To have dinner. Dîner. Problem. Le souci. To go okay. Aller. In case. Si jamais. Now, use the words in context. Aller. At first, it's scary when you dance in front of people for the first time, but after that, it's fine. Quand on danse devant un public pour la première fois, au début on a peur, mais après ça va. Jouer à. He doesn't feel like playing hide and seek. Il n'a pas envie de jouer à cache-cache. Le goûter. I'm having applesauce for the 4 o'clock snack. J'ai une compote de pommes pour le goûter. À la place. I would rather eat a hamburger instead. Je préférerais manger un hamburger à la place. Si jamais. If he ever insults you, don't answer him. Si jamais il t'insulte, ne lui réponds pas. Aller. At first, it's scary when you dance in front of people for the first time, but after that, it's fine. Quand on danse devant un public pour la première fois, au début on a peur, mais après ça va. À la place. I would rather eat a hamburger instead. Je préférerais manger un hamburger à la place.